Exercice 1, page 135. A. Veux, veux. B. Rive, ribe. C. Cube, cuve. D. Bien, viens. E. Vite, vite. F. Bague, bague.